L'Odyssée 2. Jusqu'au bout de l'année, chez Circé nous restons, vivant dans les festins. On avait du bon vin, des viandes à foison. Mais au bout de l'année, car on vient le printemps, et que les mois échus ramènent les longs jours, mes braves compagnons m'appellent pour me dire « Malheureux, il est temps de songer au pays, s'il est dans ton destin de rentrer sain et sauf, en ta haute maison, au pays de tes pères. » Il disait. Et mon cœur s'empresse d'obéir. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, mes hommes vont dormir dans l'ombre de la salle. Je monte sur le lit somptueux de Circé. Je lui prends les genoux. La déesse m'écoute et je dis, élevant la voix, ces mots ailés. « Tiens parole, Circé, ne m'as-tu pas promis que tu me remettrais à mon foyer? Déjà tout mon désir y vole, et celui de mes gens. Ils me fendent le cœur, et leurs sanglots m'assiègent, si peu que tu t'éloignes. » Je dis. Elle répond, cette toute divine, « Fils de Laër, t'écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux mille ruses, si dans cette maison, ce n'est plus de bon cœur que vous restez, partez. Mais voici le premier des voyages à faire. C'est chez Hadès et la terrible Perséphone, pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes, l'aveugle, qui n'a rien perdu de sa sagesse, car jusque dans la mort, Perséphone a voulu que seul il conservât le sens et la raison parmi le vol des ombres. » À ces mots de Circé, tout mon cœur éclata. Pour pleurer, je m'étais assis sur notre couche. Je ne voulais plus vivre, je ne voulais plus voir la clarté du soleil. Je pleurais, me roulais. Enfin, j'usai ma peine et retrouvant la voix, je lui dis en réponse, « Mais qui nous guidera, Circé, en ce voyage? Jamais un noir vaisseau put-il gagner l'Hadès ? » Je dis. Elle répond, cette toute divine, « Fils de Laër, t'écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux mille ruses, à quoi bon ce souci d'un pilote à ton bord ? Pars, et dressant le mât, déploie les blanches voiles, puis, assis, laisse faire au souffle du Borée qui vous emportera. Ton vaisseau va d'abord traverser l'océan. Quand vous aurez atteint le petit promontoire, le bois de Perséphone, ses sols aux fruits morts et ses hauts peupliers, échouez le vaisseau sur le bord des courants profonds de l'océan. Mais toi, prends ton chemin vers la maison d'Hadès. Quand ta prière aura invoqué les défunts, fais à ce noble peuple l'offrande d'un agneau et d'une brebis noire. Quant à toi, reste assis, tant que Tirésias n'aura pas répondu. Tu verras aussitôt arriver ce devin. C'est lui qui te dira, ô meneur des guerriers, la route et les distances, et comment revenir sur la mer aux poissons. » À peine elle avait dit que l'aurore parut sur son trône doré. À travers le manoir, je réveille mes gens. Je vais de l'un à l'autre, et du ton le plus doux. Assez dormir, quitter les douceurs du sommeil, en route. C'est l'arrêt de l'auguste Circé. Je disais, et leur cœur s'empresse d'obéir. Tous mes gens réunis, je leur tiens ce discours. C'est au logis, sans doute, au pays de vos pères, que vous comptez rentrer. Mais Circé nous assigne un tout autre voyage chez Hadès et chez la terrible Perséphone, pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. J'avais à peine dit que leur cœur éclatait. Sur la terre, il s'assoit. Les voilà sanglotants, s'arrachant les cheveux. Mais ces gémissements n'étaient d'aucun secours. Nous prenons le chemin du croiseur, de la plage. Nous partons tristement, versant des flots de larmes. Nous atteignons enfin le navire et la mer. On remet le croiseur à la vague divine et, dans la coque noire, on charge mât et voile. Les bêtes embarquées, nous aussi, nous montons, toujours navrés, toujours pleurant à chaudes larmes. Pour pousser le navire à la proie azurée, la déesse bouclée, la terrible Circé, douée de voix humaine, nous envoie un vaillant compagnon dans la brise qui va gonfler nos voiles, et quand à bord on a rangé tous les agrès, on n'a plus qu'à s'asseoir et qu'à laisser mener le vent et le pilote.